Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz, émission également disponible à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou encore du mixcloud.com/redman. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, petite virée à Paris, donc on va se rattraper en fin de ce long week-end de Pâques, un peu comme l'an dernier avec du psyché occulte italien. L'an dernier, je m'étais fendu d'une émission entièrement spécial sur ce mouvement de free rock un peu space matinée d'huile piquante du côté de la botte, pas mal de groupes en ce moment. Notamment, on avait pu vous passer aussi la fameuse compilation Nostra Signora della Tenebre qui était sortie sur le label Backwards qui va rééditer dans les prochains jours le combo The Lay Lamas, leur premier opus qui était sorti à l'époque en cassette. Une cassette qui a été remasterisée et également augmentée de 2 titres bonus. Voilà donc pour ce duo psyché chaman d'origine sicilienne créé en 2001, le combo de Nicola Giunta. Apparemment, ils se produisent aussi en quatuor ces derniers temps. Et ils avaient aussi sorti ce titre qu'on entend sur Rocket Recordings, le label de Bristol, qui édite également Knod, Mammutons et autres Hey Colossus. On écoute le titre qui avait servi pour cette compilation des 15 ans du label Rocket Recordings, le morceau qui démarre cet album éponyme des Lay Lamas en 2012, tout prochainement réédité. On écoute le titre African Spacecraft. Thank you. futur pris par un comité parlementaire, Stockholm recueille des documents prouvant que l'information des quatre sources affirme que les camps sont des plus inaccessibles, où ceux-ci déclarés absents ou morts sont relativement vivants et constamment dans l'impossibilité de sortir. Dans le groupe Budapest 1944, un train attendait dans la petite gare, sa destination, son chargement, la solution finale. Par devant l'officier, 200 000 étaient déjà passés au signal du début du voyage jusqu'au bout du monde. Un jeune homme s'arrête, explique, les documents prouvent que les destinés sont sous la protection de leur statut et qu'ils soient libérés. À son intervention, les autorités supérieures hésitantes facilitaient les rapports militaires permettant la saisie et portée d'assistance au nombre E dans le train. De la démonstration des passeports, la protection fut offerte passagère, que l'esprit préserve la solution pour sauver autant que possible dans le plus bref délai les liens imaginaires et familiaux alignés en mission pour dépasser l'Holocauste. Janvier 1945, sa mission achevée, il partit faire face à ses libérateurs comme invité, comme détenu Moscou 1947, qui à l'époque déclarait avoir perdu connaissance, offrit plus tard une version différente. Le député du temps admit avoir eu conscience de l'existence d'une maison d'arrêt du cœur, un document de mort certifié, détruit par la majorité. Des assassins, l'histoire ne s'y arrêtant pas. Particulièrement ceux qui s'échappèrent furent entendus dire qu'ils s'étaient rencontrés pour clarifier le mystère créé par les gouvernements succédant à ces circonstances. 1982, l'effet du prix de l'honneur doublerait le sens intégral de la lutte de l'homme contre sa peine et le nombre. Ce geste servirait à toucher ceux qui furent incapables de comprendre qu'un homme prêt à risquer sa vie n'admit jamais qu'il fût arrêté. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'Alliance, sauve la création. démarrer cette session de l'Asile Plus Sûr tout d'abord avec les Leyamas et leur premier album éponyme qui était sorti sur un obscur label finnois à l'époque qui répondait au nom de Josic Records, qui vient d'être réédité par Backwards, ou plus exactement qui va être réédité puisque ça sort début avril, c'est encore en test pressing. Ce vinyle qui réédite leur première pièce et donc Zelay Lamas qui nous avait surtout tapé dans l'oreille avec le titre qu'ils avaient fait sur la compilation Nostra Signora della Tenebre. Ils avaient fait aussi un album long sur Rocket Recordings et donc peut-être un album à venir pour l'année 2016, en tout cas du space rock, matinée de flûte et dans un esprit un petit peu afro, un peu post-Don Cherry aussi, un groupe assez étrange, The Lay Lamas, qui était enchaîné avec The Hypothetical Prophets, le duo un peu pionnier de la New Wave, dans lequel officiait le joueur d'électronique et aussi pionnier des lasers Bernard Sachner, en compagnie du britannique Karel Beer. Ce duo avait été initié à la fin des années 70. À l'époque où Bernard Sachner sortait pas mal de choses, notamment il avait publié à l'époque le fameux disque Z Visions of Dune qui avait été réédité il y a de ça quelques mois, et le label Infinity Records vient de rééditer donc ce duo assez mythique puisque les disques s'arrachent à prix d'or dans les conventions et aussi sur le net. Ils avaient sorti deux 45 tours, c'était publié notamment sur le label Epic, et un album long sous le titre Around the World with the Hypothetical Prophets, messieurs Joseph Weil et Norman Day Landing, qui étaient les pseudos qu'avaient pris Bernard Sachner et Karel Beer pour ce projet, qui n'a pas trop mal vieilli, je trouve, à la réécoute de l'intégralité de leur discographie qui figure donc sur ce vinyle agrémenté de bonus en téléchargement sur internet et aussi en version CD. Bon, il y a à peu près une heure d'Hypothetical Prophets. La musique est plutôt pas mal. Il y a des clips aussi de l'époque qu'on peut voir sur internet. Une musique plutôt de cut-up inspirée par des coupures de presse avec une démarche résolument Novo Wave. Disque qui n'avait pas été réédité depuis 34 ans, depuis 1982 où il était sorti ce Around the World with the Hypothetical Prophets. Quant à Bernard Sachner, c'est un musicien, plasticien, technicien, lumière à la base. Il avait été accompagnateur de Magma, de Gong, aussi d'EU en tant qu'ingénieur lumière. Il avait fait toute une tournée avec les dans les années 70, et il avait aussi inventé le fameux harp laser utilisé et rendu célèbre notamment en Chine par monsieur Jean-Michel Jarre. Voilà pour Bernard Sachner, dont la musique vieillit pas trop mal, musique assez froide, et le titre qu'on entendait était un morceau autour de Raoul Wallenberg, diplomate suédois qui fut en poste à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sauva des milliers de juifs hongrois en leur filant des papiers d'identité tout bonnement. Et il a disparu dans l'après-guerre. On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Voilà pour ce fameux Wallenberg et ce titre qui était sorti en maxi 45 tours vers 1982. On va continuer avec le nouvel album de Chicaloyo, le projet solo d'Alice Dourlen qui fut membre du duo Folle Église, également de Voodoo Mount Sister, et on la connaît pour ses albums également toute seule, notamment Folie Sacrée ou encore Les Sept Salons qui était sorti l'an dernier chez Shelter Press. Je pense qu'on vous avait proposé ça dans une émission L'Asile le plus sûr, et elle revient avec Porte Dévergondée qui est une coproduction entre le fameux label Mon cul c'est du tofu et 213 Records. Alors à noter aussi que ça a été enregistré bien évidemment au studio Chaudeland de Cherbourg et avec la participation exceptionnelle du saxophoniste nantais Tom Bodlin, saxophoniste et aussi luthier de son état qui l'accompagne sur les trois quarts de cet album Porte Dévergondée. Donc un disque entièrement chanté en français et ça fait penser à un genre de mélange entre Catherine Ribeiro ou encore le théâtre du Chêne Noir, le projet un peu psyché, bizarre, français des années 70. Ça fait aussi assez penser à la musique de Nico. Et à noter que ce LP est accompagné d'un livre à l'intérieur. Et il y a aussi un t-shirt que vous pouvez vous offrir pour l'été. On écoute le titre qui démarre cet album, Porte Dévergondée de Chicaloyo. Thank you. Séquence dans un imaginaire féminin avec deux disques enchaînés sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr. Tout d'abord Chicaloyo et sa porte dévergondée. Et c'est vrai qu'il y a des titres très très dévergondés sur ce disque vinyle sorti par Moncus et du Tofu et 213 Records. Celui qu'on écoutait me faisait pas mal penser au titre Secret Side de Nico sur The End. Les ambiances sont un petit peu dans ce registre avec les claviers qui font penser un peu l'harmonium de Nico sur ce disque de Chicaloyo, et le saxophone de Tom Bodlin fait merveille aussi sur la plupart des pièces. Je trouve que la Miss Chicaloyo se bonifie d'année en année, elle sort des disques de mieux en mieux, ça promet pour la suite. Et c'était enchaîné avec Miss Alexandra Dorushin et alias Earth Theater avec un extrait de son disque sorti à la fin de l'année dernière, au mois d'octobre très exactement, Rip Chrysalis sur le label de Chicago Haosu Mountain Records. Deuxième disque long pour cette songwriter new-yorkaise qui joue parfois aux côtés de Guardian Alien, le projet psyché no-wave du batteur Greg Fox. Elle accompagne aussi assez régulièrement la violoniste Sarah Neufeld, mais elle est plutôt autodidacte et assez barrée. C'est ce qu'on peut lire dans l'interview qu'elle a donnée au magazine anglais The Wire pour sa livraison du mois d'avril, qui est déjà en kiosque. Il y a un très beau, très belle photo et un très bel article autour de la musique de Earth Theater. Alors ce qu'on entendait, c'était une musique avec des accompagnateurs dans un registre un peu plus classique, un peu acid folk, mais pour le reste, c'est plutôt voix, guitare, synthé et électronique. Et elle entièrement toute seule, ça fait aussi parfois penser, je sais pas, peut-être à Annette Peacock ou encore la finnoise Islaya. Peut-être que vous l'avez vu au lieu unique pour le dernier festival Soy, Miss Alexandra Dorushin. Et à noter qu'elle a sorti aussi un album en ce mois de mars sous le titre de Metalepsis, que j'aime un petit peu moins que ce Rip Chrysalis. Je vous passerai peut-être d'autres extraits de ce qu'elle produit, cette cette fameuse Hearst Theater. Hearst Theater, c'est en un seul mot son alias à Miss Alexandra Drushin. On va continuer avec un nouveau projet, ou plus exactement un nouvel alias aussi pour l'électroacousticien Giuseppe Jelasi, qu'on suit depuis une bonne douzaine d'années, notamment avec ses propres labels Fringe, School Map, Bowindow ou encore Senufo Edition. On avait pu écouter notamment sa trilogie Stunt entre 2008 et 2010, ou encore les disques X, ou son duo Billows aux côtés de Nicolas Ratti. Ces dernières années, on l'entend surtout pour le mastering qu'il produit de pas mal de disques qui sortent. C'est l'un des très très grands masteriseurs ou masterisateurs, je ne sais pas comment on peut dire, de la scène XP. Il vient de se fendre d'un nouvel album sous un nouveau nom, un nouveau projet sous le nom de Inventing Masks, avec un disque éponyme qui sort sur le label Error Broadcast, qui est un label dévolu au hip-hop moderne, ce qui lui va plutôt bien vu la qualité de ses beats fractales. Un nouveau projet qui me fait furieusement penser d'ailleurs aussi à la musique de Pierre Bastien au niveau des rythmes pour le moins syncopés. On va pouvoir s'en rendre compte avec le titre qui démarre cet album de Inventing Masks, avec des titres avec les durées des morceaux, ce qui se fait aussi assez couramment par les temps qui courent. On écoute donc le titre 334 de Inventing Masks, alias de Monsieur Giuseppe Jelasi. Thank you. Vous êtes toujours dans les illuminations sur antenne du 94 MHz avec une musique pour se remettre en jambes après le week-end de Pâques qui a démarré avec l'excellent projet de monsieur Giuseppe Yelasi, Inventing Masks. C'est une sorte de hip-hop un peu fractal et un peu africain aussi sur les bords. L'album est éponyme. Il vient de sortir sur Error Broadcast et s'était enchaîné avec l'excellent trio norvégien Stær ou Stær avec un 45 tours maxi sous le titre The Collapse of Ancient Funk, c'était le titre qu'on entendait, un titre par face, à peu près 8-9 minutes sur chaque face, et c'est sorti chez Dread Machines Records pour cet excellent groupe de free rock assez qui assène une musique assez directe, je dois dire. Vous les avez peut-être vus d'ailleurs au festival Câble Nantais d'il y a 2 ans. En tout cas, excellent projet qui avait déjà sorti des disques, notamment sur Gaffer Records. Les deux albums longs de Stær étaient sortis sur étiquette Gaffer Records lyonnaise. Et c'est aussi un projet qui joue de temps à autre aux côtés de Kjetil Moister d'Ultra Lead, qui a sorti notamment un split en compagnie de ce saxophoniste qui fait des très bonnes choses au sein de Moister. Et le trio Stær me fait pas mal penser à Moa, ou plus exactement à ce que faisaient Anders Anna et Morten G. Olsen en leur temps, c'est-à-dire au milieu des années 2000. Malheureusement, le duo Moa avec un point d'exclamation n'existe plus, mais par contre Stær est sacrément vivant, comme on a entendu sur ce The Collapse of Ancient Funk. Et le troisième titre qui était enchaîné et qui vient de se terminer, c'était Starlight Motel, qui est un projet dans lequel on retrouve un saxophoniste pas très connu, Christopher Bear Alberts, qui est pourtant un régulier des projets des Norvégiens Lasse Marog et Maja Rajke. Il est en compagnie du contrebassiste Ingebrigt Åkerflaten, très connu au sein de The Thing, aux côtés de Ken Vandermark ou encore de The Young Mothers, Gart Nielsen à la batterie électronique et Jamie Saft à l'orgue Hammond, qu'on connaissait surtout pour les projets de John Zorn, notamment l'électrique Masada. Mais ces dernières années, beaucoup plus dans un free rock assez terrible, notamment dans les groupes The Spanish Donkey ou encore Slobberpup, et pas mal de choses qui sortent sur étiquette Rare Noise. Donc un peu une résurrection pour Jamie Saft, qui envoie du lourd dans ses projets free rock comme ce Starlight Motel, qui est un disque qui vient tout juste de sortir sous étiquette Clean Feed, donc une tambouille américano-scandinave avec un côté noise un peu psyché. Et à noter que l'étiquette portugaise Clean Feed Records s'est aussi fendue d'un projet dans lequel on retrouve les deux Cactus Truck, le saxophoniste John Dickeman et le batteur Ono Govert, en compagnie du trompettiste Louis Vicente et du contrebassiste Wilbert de Jode. Ça s'intitule 21 Quartet et c'est vraiment très très bon. Je proposerai sans doute ça dans une prochaine émission L'Asie le plus sûr. Voilà, on va enchaîner avec un duo de pianistes, mais des pianistes préparés, Anthony Pateras et Eric Griswold, sous le projet Extended Piano, duo initié vers le début des années 2000, pour un show assez unique en Australie, puisque ce sont des Australiens, deux grands pianos en compagnie de synthés analogiques plutôt rare, et tout ça retraité en direct par le joueur de laser Robin Fox, qui est le troisième larron de ce Extended Piano. Un disque vient tout juste acceptent de paraître sous étiquette Immediata Records, la petite étiquette qui illustre la musique du pianiste australien. Ça s'intitule Switched on a Dime et ça sort un CD avec un livret de 20 pages et des interviews des protagonistes. Je vous propose d'écouter le titre Switched on a Dime lui-même par messieurs Anthony Pateras, Eric Griswold et Robin Fox. Thank you. C'est vrai qu'il nettoie les oreilles après les cloches de Pâques, ce très très bon disque de l'Extended Trio qui réunit Anthony Pateras, Eric Griswold et Robin Fox. L'album s'intitule Switched on a Dime, sorti chez Immediate Records. Ça vient tout juste de paraître, c'est distribué par Metamkin et ça me donne aussi une furieuse envie de réécouter les projets de Eric Griswold qui est un pianiste préparé et électroacousticien qui s'était fendu notamment d'un disque sous l'étiquette Room 40, le label de Lawrence English, sous le titre Pain Avoidance Machine, qu'on vous avait proposé dans cette même émission, mais je vous avouerai que je ne me souviens plus du tout du contenu de cet album de Eric Griswold, donc je vais me ruer sur ses productions et donc un duo de pianistes qui fracassent et qui détournent le piano préparé, qui en fait une machine de guerre, on pourrait dire, avec Robin Fox qui retraite un peu tout ça. C'est un projet donc qu'ils ont démarré il y a de ça une quinzaine d'années. Ils ont eu le temps de se roder et donc ça sort tout juste en album sous ce titre Switched on a Dime, l'Extended Piano sur Immediate Records. Voilà, on va continuer avec un grand orchestre d'improvisateurs sous le titre Memoria Uno et l'album Cook for Butch qui est en hommage à monsieur Butch Morris qui était un cornettiste et chef d'orchestre américain qui s'était fait une spécialité de ses conductions, de ses directions d'orchestre à base de gestes. Il y avait eu aussi des vidéos et des films faites sur sa manière assez originale de produire des pièces ouvertes pour improvisateurs. Et le Memoria Uno est un dodécaband qui réunit pas moins de 4 saxophonistes, 2 trompettistes, 2 contrebassistes, 2 batteries et une flûte et un piano, quasiment que des Espagnols, totalement inconnus de l'autre côté des Pyrénées, et un Britannique qui répond au nom de Tom Chant, ou plus exactement un Irlandais, et qui est un peu plus connu puisqu'il fut directeur du London Musician Collective, c'est dire qu'il s'y connaît en conduction de grands orchestres d'improvisateurs free. Il est également membre du Cinematic Orchestra et ce disque Memoria Uno Cook for Butch est une production de l'excellente marque barcelonaise Discordian Records qui depuis 3-4 ans sort à peu près 6 à 8 disques par an dans des formats tels que le CDR, le format digital et parfois aussi des CD. On écoute un extrait de cet excellent Memoria Uno et de cette pièce Cook for Butch, la pièce numéro 1 de ce disque. Thank you. C'est vrai qu'il a fait bien claquer ses cordes de contrebasse, monsieur Matthew Thomas Elliott, alias Mopa Elliott, musicien notamment au sein de Mostly Other People, d'où The Killing, qui s'est fendu de ce solo qui déchire. Excellent disque Still Up in the Air, c'est sorti sur Hot Cup Records, sa propre étiquette. Voilà donc pour la musique de Mopa Elliott. On va se quitter avec un dernier disque et les Astra Colonels, le retour de Anthony Pateras qu'on écoutait tout à l'heure, le claviériste et électroacousticien australien qui est en compagnie de Valerio Tricoli cette fois-ci sur un disque qui s'intitule Good Times in the End Times. C'est également sorti sur étiquette Immediata Records en CD en ce mois de mars. Et à noter que Valerio Tricoli s'est aussi fendu d'un nouvel album sous le titre Vixit sur Second Sleep qu'on vous proposera dans une prochaine émission. Voilà, il me reste à conclure en vous souhaitant une excellente nuit et en vous disant à la semaine prochaine. Thank you.

Is this Stanie reaktor. Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара. Натриевый насос охлаждения. Химический взрыв, натрий, вода в сети вторичного охлаждения сверхгенератора ПН-350? Значит, начинай от печки. Нет. Значит, кончай в Сибири.